Salut les gens. Bonjour Juliette. Ah, Charline, elle rentre, elle dit salut les amis. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah moi ouais. Je dis pas ça parce que vous n'êtes pas mes amis. Oh, oh, dans le match, oh, quoi. Oh oui, hier à la Condéréda, vous avez dit des choses méchantes sur moi. Mais c'est pour rire, enfin ça. La oui. Dérision, tout ça, tu vois quand même l'esprit de l'émission. Mais oui, ça n'a rien de personnel, non, Juliette. Mais oui, enfin. Mais oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de bande dessinée. Ouais. Eh bien, je te propose de faire l'interview de l'invité. Ah, ça, c'est une belle responsabilité qui te donne. Ah ouais, d'accord, ouais, non, parce qu'en gros, s'il n'y a pas d'image, je m'en sors pas. C'est ça l'idée. Mais non, c'est pas du tout ce que voulait dire Alex. En fait, il voulait dire. Mais bien sûr, tranquillement, allez-y, mettez-vous. Voix de contre moi. Juliette, détends-toi quand même. Ah ouais, d'accord, ouais, d'accord. Je suis une femme, je suis un tas d'hormones, je contrôle pas mes nerfs, c'est le tarif. Ouais, c'est vrai, ça, nous aussi, on est des femmes. Non, mais vous êtes misogyne. Non, mais attends, ça va, les filles, c'est quoi, c'est la rébellion là, c'est quoi, Juliette, si c'est pour faire la Spartacus dans l'équipe, c'est non, merci. Non, mais hein. Ça va, c'est vrai, c'est chouette que Juliette parle de la BD, voilà. C'est Is No Good en plus. Ah, mais ouais, d'accord, ouais, d'accord. Vous êtes vraiment pas subtils, les mecs. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais ça va, enfin, pile au moment où je remplace Charline, vous me demandez de traiter celui qui va être calife à la place du calife. Non, mais attends, moi je comprends plus rien à ce que tu dis, enfin c'est n'importe quoi là. Allez, encore plus de misogynie. Mais, mais pourquoi c'est misogyne, non? Mais bien sûr, genre de filles, elles peuvent pas être de bonnes camarades, elles doivent forcément se tirer dans les pattes. Mais ouais, c'est misogyne. Ah. Mais c'est pas misogyne, mais les filles. Mais Juliette, t'as tes règles ou quoi? Connard, je me cache. Ça, c'était misogyne. Ah bon? Ouais, c'était misogyne. Ça. Bah bon, bah en tout cas, c'est dommage parce qu'à midi à la cantine, il y a du rosé. Du rosé? Ouais, bah je me casse quand même. Après la cantine. Bonjour la France Inter. France Inter toujours orpheline de sa patronne, mais en l'absence du capitaine, les matelots pagaient double pour vous offrir l'émission qui dessine l'actualité, comme un enfant de 8 ans. Et voici les trois informations qui vont être gribouillées jusque 18h. Manuel Valls s'est rendu en banlieue. Et comme il n'était pas rassuré, il a emmené 17 ministres. Ministres, pardon, pourquoi des ministres? Ça n'existe pas. Il essaye donc de devenir le caïd de la banlieue, le caïd à la place du caïd. Bah Manu, tu descends, et pourquoi faire? Ben je sais pas moi, descends, et pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends, et pourquoi faire? Et c'est toute la question. Stop, lâchez ce saucisson. Non, pas l'andouillette non plus. Mais non, le steak, mais vous êtes fous ou quoi? La viande, c'est bon, c'était avant. Alors, c'est bien dégueulasse toute cette bouffe-là, hein? On s'y habitue pas. Oh, il faudra bien, il y aura plus que ça bientôt. Jean Roucasse le dit, la politique, je ne veux plus en entendre parler, c'est bête, parce que le jour où il est arrivé tout penaud à un congrès du FN, c'est sans doute la fois où il nous avait fait le plus rire, même si il n'est pas raciste. On dit que vous êtes raciste, c'est faux, les racistes, je peux pas les blairer, et les arabes encore moins. Et avec moi, oui, il y a des choses qui vieillissent bien, avec moi aujourd'hui, celle qui ne soutient aucun parti, mais c'est parce que c'est eux qui ne souhaitent pas avoir... pour image. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. Comment allez-vous? Fort bien. Si vous nous présentiez l'équipe. Tout à fait. Alors nous allons attaquer à 17h20 avec Mélanie Bauer, qui est à la compréhension de la musique, ce que les caméras piétons sont aux mesures anti-discrimination. Un atout charme. Mélanie, mon petit, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Le mot du jour, c'est polémique. Attention. Oh, c'est bien ce mot, tintin, c'est bien. Tintin. C'est lourd. Ensuite, nous avons Guillaume Meurice, qui malgré un physique d'une beauté quasi surnaturelle, est à cette émission ce que la viande rouge est à la santé. C'est bien, mais en quantité raisonnable. Exactement. Guillaume. Bonjour Juliette, bonjour Alex. Alors moi, je vais vous parler oxymore, puisque j'ai contacté un des responsables d'une structure un peu particulière. Laquelle ? La structure Jeunes avec Juppé, justement, qui se développe à travers toute la France. Eh oui, les Jeunes avec Juppé, préparez vos jeans baggy et vos mocassins à gland. Et qui est la dernière chroniqueuse aujourd'hui? Eh bien, ça sera tout simplement le fleuron de Si tu écoutes, j'annule tout, c'est-à-dire Juliette Arnaud. J'aime bien elle. Et de quoi elle va nous parler? C'est moi, hein. Voilà une délicieuse occasion de valoriser la schizophrénie. Eh bien, je vais vous parler de Juliette Jean, mais attention, pas le film, le roman. Très bien, Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, 24 483 amis imaginaires, ça compte. On va monter une armée bientôt. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous pouvez lever les épaules car c'est vous aujourd'hui. Oui, c'est bien, c'est oui, c'est un statut très important. Vous êtes né sous Valéry Giscard d'Estaing. Vous collaborez au Guignol de l'info pour la première fois en 1999, l'année où Vincent Bolloré vend à Vivendi et Canal ce qui lui appartenait dans Pathé. En 2008, vous devenez co-auteur de Nicolas Canteloup. C'est l'année où Nana Mouskouri annonce qu'elle met un terme à sa carrière, et c'était une vanne, elle est revenue. Et en 2012, vous co-signez le premier album des Nouvelles Aventures d'Is No Good. C'est l'année du décès de Jean Giraud, le père de Blueberry, mais là, a priori, il n'y a pas de lien. Je suis Laurent Vassilian. Il est mais là, c'est oui, Laurent Vassilian. C'est lui. sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Un sans faute. La première question, vous avez donné la bonne réponse. Ouais. Par contre, les gens se demandent c'est qui. Hein, ah oui, mais on va le dire. Bah voilà, vous êtes co-auteur de Nicolas Cantu, donc à mon avis, les gens ont déjà beaucoup ri grâce à vous. Vous étiez co-auteur des Guignols. On en parlera tout à l'heure, j'espère. J'espère que vous avez un avis sur la suite des Guignols. Et surtout là, vous êtes. Non, mais je vous dis comme ça. Des infos, même. Bah, on va pas commencer par ça. Comme ça, on laisse un petit peu de suspense. Les quatre auditeurs qui sont là resteront jusqu'au bout. Et vous êtes là pour une bande dessinée No Good que vous scénarisez et qui est dessiné par le fils du créateur. Et je vais laisser la parole à Juliette Arnaud qui s'est plongée, qui a lu, relu, analysé Is No Good de père en fils. Alors, quel est l'argument de ce nouvel épisode ? Eh bien voilà, le calife, Haroun el-Poussa, a mangé l'intégralité d'une vache sacrée pendant un voyage en Inde. De toute évidence, il a dû louper le coup de la viande rouge qui est cancérogène. Donc, Haroun el-Poussa divague, il a un accès monstre de délirium très mince, il ne peut plus être calife. Is No Good est donc là forcément ivre de joie, son jour est arrivé. Celui de nous, ou nous aussi, hein, les lecteurs, ça fait quand même 50 ans qu'on attend ça. Sauf que, pas, bien sûr, sinon Is No Good, il va plus être enragé, et ça serait moins drôle, et pire que tout, qui c'est qui devient calife à la place du calife ? C'est Dilat Larat. Dilat Larat, vous savez, c'est son assistant qui est constamment martyrisé par Is No Good. Il a un super programme d'ailleurs, entre parenthèses, Dilat Larat. Vraiment, j'aime beaucoup, notamment son désir de faire une Gigi Pride, hein, une Pride pour les Jean-Jacques, pour ceux qui sont heureux de taper Jean-Jacques. Voilà. Bref, pour Is No Good, c'est l'horreur absolue. Hein. C'est un peu comme si Macron devenait président en 2017 à la place de Valls. Dernière solution pour Is No Good, mettre la main sur son propre père, parce que son propre père est mieux placé que Dilat Larat sur l'arbre généalogique pour hériter du califat. Est-ce que tout le monde a suivi ? Est-ce que vous allez raconter tout le livre ? Non. D'accord, c'est je ne dis pas, par exemple, si à la fin il devient calife. Suspense. Surprise. Alors, je vais commencer par une question d'importance, Laurent Vassilian. Pourquoi plus Is No Good que Bécassine ? Parce qu'il est méchant, parce que c'est le seul héros méchant que je connaisse. Ça vous a plu, ça ? Bah c'est super, ouais. Ouais, non, mais comment on écrit un méchant qui doit un peu être sympathique, parce qu'il faut qu'on l'aime un tout petit peu. Il est de fait sympathique, parce que c'est ça l'idée géniale de Goscinny, c'est qu'on sait qu'il va échouer. En fait, je donne pas la fin non plus, mais non, on sait qu'il s'il va vous échouer. Plaît. Comment on passe après quelqu'un comme Goscinny on a vu que pour Astérix, c'était pas toujours évident. Pour Is No Good, est-ce que vous avez été choisi ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah là, j'y vais, je ferme les yeux, je regarde pas, ou je suis passionné de Goscinny, donc je vais faire du Goscinny bis ? Ce qui m'a flatté, c'est que j'ai été choisi par Anne Goscinny, la fille, qui est fan de Nicolas Canteloup le matin sur Europe 1, qui m'envoie des textos tout le temps. On la salue parce qu'on aimerait l'inviter un jour. Ben ouais, elle est super, invitez-la. Est-ce que c'est une tradition française d'avoir un héros petit, atrabilaire, de mauvaise humeur et caractériel, et de l'aimer follement ? Parce que je pense à Louis de Funès, qui quand même, c'est une chose récurrente dans sa film. Je pense que le français est masochiste, il aime ça. Donc il va voter Sarkozy, il va y retourner en plus. Il y a eu un moment où Gérard a fait Lucky Luke, on a demandé à Canteloup de faire Is No Good. Est-ce qu'il y avait besoin, pour la BD, peut-être, où les jeunes y allaient moins spontanément, d'amener des noms ? Ouais, j'imagine que la base, c'était ça, donner un coup de projecteur sur une belle endormie, ce qu'ils appellent dans la mode. Mais ça doit marcher dans la BD aussi. Is No Good, le truc bizarre avec Is No Good, c'est que la phrase « je veux être calife à la place du calife », elle est tombée dans le domaine public, tout le monde la connaît. Mais finalement, les gens ont assez peu lu d'Is No Good. On a tous un album de Lucky Luke qu'on a lu quand on était petit, on se rappelle tous de son Astérix ou Tintin préféré, mais Is No Good, moins. Alors que le personnage est ultra connu. Et la bonne idée, c'était de remettre un coup de projecteur sur ce personnage-là. Et alors, ça laisse la place à De père en fils de devenir votre Is No Good préféré, écrit par Laurent Vassilian et dessiné par, ça c'est une spécificité, le fils Nicolas Tabary, le fils du créateur. Oriana. Dream on me at night. The Yardbirds for Your Love. Et je pense que mon anglais progresse de jour en jour grâce aux des annonces de disques. Et j'ai même compris. C'est effrayant. For Your Love, ça veut dire pour votre amour. Mais oui, voilà, pour que... ton amour. Je pense qu'il ne vous voit pas, cette personne. Oh, mais c'est qu'elle est mal tombée. Parce que moi, je le fais. Et autour de la table, Juliette Arnault. Mélanie Bauer. Très bien. Et Juliette Arnault. Elle-même. Il n'y a pas de raison, vous passez pas en dernier. Et notre invité, Laurent Vassilian, scénariste seul de Is No Good de Père en Fils. Vous avez viré Canteloup et vous avez bien raison. Parce que... Ça va, il y a un moment, ça va. Vous avez raison. Il était fatigué, je ne sais pas, une histoire de... Puis oui, puis c'est le syndrome Is No Good. Voilà, non, c'est assez... un syndrome naturel. Non, il ne fout rien aussi la semaine, il ne bosse pas le gars. Donc à un moment, il faut travailler avec des gens sérieux. Écoutez, Charlie n'est pas là, mais l'information continue. Et on y va parce que c'est le journal de presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Robert Ménard invite Nadine Morano à Béziers et franchement, je veux bien m'occuper de la sextape. La viande rouge peut provoquer le cancer, la cigarette aussi, l'alcool aussi. Et pourtant, Gérard Depardieu tourne toujours 10 films par an, donc on a de la marge. Et il y aura aussi des brefs, parce que quand Charlie n'est pas là, eh ben on en profite beaucoup mieux. Robert Ménard propose un avis. Vous n'avez pas compris, c'est comme hier. Ça. En fait, il y a une virgule. Ça s'appelle, c'est bien ça. Je l'aime pas cette virgule. C'est comme dans une phrase, la virgule sous-entend je m'arrête et puis je repars. Voilà, on y va. Robert Ménard propose à Nadine Morano de le rejoindre dans une grande alliance de droite patriote. Voilà une belle preuve d'esprit pour Ménard qui prouve qu'il est prêt à s'associer avec des personnes qui se trouvent plus à droite que lui. On a pu assister au rendez-vous qui était très secret. Que s'est-il dit? Nadine, je me disais, comme tous les deux, on n'a pas de parti. Bon, j'ai un parti, moi. Oui, oui, toi, t'en as un, mais eux, ils aimeraient bien que t'en aies pas, donc c'est pareil. On pourrait en fonder un, tous les deux, le homo. Il est con. Homo, c'est de la lessive. Non, le homo pour une France deux fois plus blanche, tu vois. Et vous avez déjà un slogan de campagne? Oui, Morano Ménard, votez pour De Gaulois, votez pour De Gaulle. Super. Hein, c'est bien ça. Ouais. Dites en plus, c'est charmant, Béziers, je vous remercie de l'invitation, vous êtes né ici? Non, moi, je suis né à Oran. Ouais. Où ça? À Oran. Bah, c'est dans la banlieue de Béziers. C'est la banlieue, voilà, c'est au sud de Béziers, enfin c'est en Algérie en fait. Quoi? Oui. Ah bah non, mais alors ça va pas, hein, vous êtes pas de race biterroise, je quitte le projet. Bah attendez, non, ouais, ça promet, non, mais voilà. Je regarde Laurent Vassilian qui engage deux nouveaux imitateurs pour son nouveau. Très très bon moral. Écoutez, on y était. Bon, l'important c'est de dire avant qui on imite. On est parti de ce principe-là, et après, c'est à l'auditeur de se faire son petit film, de rêver. C'est le principe de Canteloup aussi. De rêver. Bon, ça ne change pas tellement les imitations approximatives. Ça balance sur les collègues. Sinon. Passons à la santé, Juliette. Des cancers. Stéphane Le Foll met en garde, il ne faut pas céder à la panique. Oh, et moi quand j'ai entendu ça, mais moi j'ai paniqué, et puis quand Stéphane Le Foll a dit ne faut pas céder à la panique, d'un coup ça a été beaucoup mieux pour mais moi. Mais moi c'est l'inverse, c'est je pas paniquais vrai. Pas jusqu'à ce que Stéphane Le Foll dise qu'il ne faut pas paniquer. C'est pas faux, international. Le gouvernement turc a refusé de passer à l'heure d'hiver. Voilà, personne dans le pays ne sait l'heure qu'il est. Le gouvernement a retardé le changement d'heure de 2 semaines pour favoriser la participation aux élections, mais tous les appareils électroniques évidemment se sont mis à jour automatiquement. Il y a aussi un désaccord sur la date entre le peuple et le gouvernement. Mais oui, le peuple est donc en 2015 et le gouvernement s'obstine à se comporter comme en 1815. Culture, Jean Roucas s'éloigne de la politique et du Front National. Il va se remettre plus à l'humour. Voilà, finalement, on est en droit de se demander s'il ne servait pas plus la France en étant un people du Front National. Vraie culture. L'artiste et dissident chinois Ai Weiwei. Comment vous dites? Ai Weiwei. Très bien. Organise une collecte pour se fournir en Lego. Exactement, il organise une collecte car Lego refuse de lui fournir une grande quantité de briques parce qu'ils ne veulent pas être associés à un acte politique. Ouais, alors ça, quand il faut défoncer les pieds des gens qui marchent tranquillement sans chaussures, Lego ils sont là, hein, voilà. Mais quand c'est pour s'engager un peu, il n'y a plus personne. Mais d'ailleurs, quand on marche sur le Lego, c'est un hommage à l'artiste puisqu'on dit aïe. Voilà. Je trouvais qu'elle était bien, j'étais assez content. Ouais. C'est ça qui compte, Alex. Ouais. Du coup, Monsieur Weiwei fait une collecte pour se fournir en Lego. Voilà, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Quand Ai Weiwei organise une collecte de briques de Lego, c'est de l'art. Moi, quand j'emprunte le vaisseau Star Wars de mon neveu pour jouer, c'est de l'immaturity. Télévision, oui. Michel Drucker s'offre Adèle. En effet, Adèle fera sa seule apparition média en France dans l'émission de Michel Drucker. Oui, c'est étonnant, hein. Une des plus belles voix du monde face à un public majoritairement sourd, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Au sport. Proche de la sortie à Chelsea, José Mourinho négocierait déjà avec le PSG. Oui, Mourinho qui est connu pour ses coups de gueule, sa mauvaise humeur fréquente et le fait qu'il pense toujours avoir raison, il est donc parfait pour venir habiter à Paris. Spectacle. Gad Elmaleh et Kev Adams ont annoncé qu'ils allaient entamer une tournée commune intitulée tout est possible. Ah, évidemment, le suspense, c'est savoir vendront-ils plus de billets ou moins que Ménard Morano. Tout est possible, malheureusement. Et on termine par une brève. Voici le titre. Elle nomme son chien Gâchette. Il lui tire dessus. Alors, je vous explique, parce que ça a l'air con comme ça. Et ça l'est. L'agence Reuters nous dit que Ali Carter, une américaine de 25 ans, participait à une partie de chasse sans grande expérience. Elle a laissé le fusil par terre sans sécurité et son chien, un labrador chocolat qui s'appelait Trigger Gâchette, a alors malencontreusement posé la patte sur la gâchette, blessant sa propriétaire au pied. Eh bien, ça n'avait aucun intérêt de vous l'avoir raconté. L'absence de Charlie me va bien, bien, bien. Je peux informer la France. Je suis assez... En espérant qu'elle n'écoute pas. Voilà, Laurent Vassilian, là, nous j'ai avons... pris une leçon de vanne. Voilà. Combien vous en auriez gardé pour conclure à la question voilà, ce silence était le camp. Nous allons passer au changement de monde. Parce que là on bosse sérieusement sur ce dossier. Jusqu'à 18h, ce sont les infos. Le premier sujet, Manuel Valls veut-il donc être ce calife à la place du calife? En tout cas, s'il n'est pas en campagne, il le cache bien. Hier, au Murau, il a bien failli faire rêver les foules si elles avaient bien voulu se déplacer, les foules. Il suffit qu'il y ait trois personnes qui sifflent et vous en faites un événement. Il y a un lundi matin moins de monde, c'est normal. Les gens sont au travail et puis nous sommes dans la période de vacances. Et là, vous nous direz qu'il y a personne. Donc, moi, je ne suis pas dans votre jeu. Mais là, nous sommes pour travailler. Et nous travaillons pour qui? Pas pour nous. Nous travaillons pour les habitants de ces quartiers. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge. Mais elle vit nulle part, il n'y a jamais rien. Si Renaud va mieux en entendant ça, ça va replonger. Renaud featuring Manuel Valls. Alors, il se dit dans la presse que dans le duo d'auteurs de Canteloup, vous formez avec Philippe Cavrivière. Voilà. Lui, ce serait le roi de la punchline. Et vous, celui qui décidait un peu plus de la ligne éditoriale et politique des pas sketchs. De pour vous, vous n'aurez pas de vannes aujourd'hui. Oui, mais non. Mais vous avez vu qu'on y arrivait très bien, les vannes. On est un peu au top. Bah ouais, donc, on n'a vraiment pas besoin. Sinon, on manquait de la ligne quand même. Deux, trois structures en bas. Mais, la vie politique, c'est le vôtre. Manuel Valls, comment vous le voyez? Est-ce que, en faisant un petit peu ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire s'afficher avec 18 ministres derrière, essayer d'aller attaquer le problème par les banlieues, est-ce qu'il se place un petit peu en successeur d'Hollande, mais plus vite qu'on ne l'attendrait? J'imagine. Merci. Non, c'est-à-dire que vous je m'étonne. Beaucoup. Non, on va la poser autrement, cette question, pour pas que vous vous mouillez. Si vous deviez faire un sketch et mettre Valls dans une caractéristique, dans un personnage, est-ce que c'est celle-là que vous donneriez? De Lise No Good, celui qui attend? Ouais, celui qui attend, mais qui n'a pas envie d'attendre tellement que ça. Non, la mauvaise nouvelle pour lui hier, c'est le chômage qui baisse, du coup. C'est le seul gars qui n'était pas content. Parce que ça veut dire qu'Hollande va y retourner en 2017. Tous les mecs de droite n'étaient pas contents, dont Valls, du coup. C'est logique. Exactement. Vous pensez qu'il y a une impossibilité que Hollande ne se représente pas? C'est le genre de c'est une double négation. Oui. Tout à fait. C'est pour ça le silence. C'est pas parce que j'ai pas compris. Si on n'est pas sur Europe 1, c'est vrai que les questions sont compliquées. Vous voyez. Soto, il fait attention. Des non. C'est-à-dire qu'il faut que les questions, je les comprenne pas moi-même pour les poser. Sinon, c'est pas intéressant. Je pense que Hollande va se battre jusqu'au bout pour trouver un truc qui ressemble à une inversion de courbe. Il trouvera une courbe quelconque qui s'est inversée et il ira jusqu'au bout. Et donc, à Canteloup, à travers la voix de Valls et Hollande, vous allez lui faire dire quoi à Valls, qui veut vraiment continuer le binôme, qui va rester dans sa poche ou qui va tout on faire. Attend en plus, on attend que ça. C'est vrai qu'on sent bien qu'il attend de trahir Hollande, mais pour le moment il n'y a pas encore de gros signes. Là c'était un des premiers signes, son truc en banlieue. Et on attend impatiemment le premier faux pas de Hollande où il va sortir du bois et on va voir qu'en fait il a envie de pousser l'autre à la sortie. Est-ce que, parce qu'on va revenir au guignol, je disais que dans votre façon de travailler des guignols, c'était d'abord votre idée qui devait passer, et puis cette idée, vous la mettiez en humour, si ça fonctionnait, et si l'humour ne fonctionnait pas, vous étiez suffisamment content de donner votre point de vue sur les choses. Est-ce que quand vous bossez avec Canteloup, vous bossez de la même façon? C'était un peu l'inverse, et c'est pour ça que je suis passé du côté Canteloup au bout d'un moment. C'est parce que j'adorais la théorie gassieux qui était de dire, bon, d'abord, ce qu'on a à dire, si on arrive à le rendre drôle, c'est super, sinon, c'est pas grave, on a dit un truc intelligent. Et ça, c'est vachement bien. Sauf qu'à un moment, tu te dis, tu tournes un peu en rond et puis tu vas pas sur la punchline, tu vas pas sur la vanne et c'est ça devient un édito, quoi. Ça devient un édito. Et à un moment, tu te prends au sérieux. C'est-à-dire que tu commences à lire les guignols, le meilleur éditorialiste de France et tu commences à te prendre au sérieux. Ce que j'aimais bien chez Nicolas, c'est qu'il est humoriste. C'est-à-dire que lui, si ça se marre pas, il est triste. Oui, mais si c'est con, si c'est pas intelligent, C'est une question de priorité, ouais. Est-ce qu'il faut d'abord être drôle ou d'abord Alors, après, c'est bien. Et c'est la dernière fois que vous posez une question. Je n'ai pas de réponse. Et alors, bon, on a ouvert la boîte de Pandore. Les infos sur les guignols. Est-ce qu'ils vont revenir? Parce qu'on en doute. Moi, je suis très embêté sur les guignols parce que j'ai travaillé avec les auteurs d'avant. Et je connais, c'est mes meilleurs potes qui arrivent après. En fait. C'est vrai, j'ai les quatre, c'est des super donc potes. Donc ça, ils bossent. Donc là, ils bossent en ce moment, ça c'est sûr. Et l'idée de voir arriver deux nouvelles marionnettes que sont Kim Kardashian et Justin Bieber, c'était un bon signe? Je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée, mais ça va, on va voir. Là, on sera loin de l'édito, a priori. On sera loin de l'édito. Après, moi, encore une fois, pareil, dans ce côté balancier, je suis pas contre l'idée que les guignols redeviennent très marrants. Mais qui fait l'édito alors? Où il est l'édito? Honnêtement, ne tirons pas sur ces pauvres garçons qui ont plein de bonne volonté, qui ont des choses à dire et qui vraiment ont été choisis par Yves Le Roland, qui est le même directeur artistique depuis 20 ans, qui a vu passer tous les auteurs. Et c'est lui qui a choisi vraiment à l'aveugle ces quatre gars. Et à l'aveugle, c'est très dangereux. Vous n'aviez aucune info à nous donner, quoi. Vous nous avez fait rêver. Non, je dis que les quatre auteurs qui arrivent sont super et qu'ils vont se faire massacrer et que c'est dommage. Oui, mais attendons la première pour les massacrer. Oui, voilà. Bien sûr. Là, oui. Parce que d'accord. Par contre, elle sera médiocre, la première. Ils vont se faire massacrer par Bolloré. Mais même vous allez les massacrer avec Kant Clouseau, je suis sûr. Mélanie Bauer, c'est à vous. C'est vrai. Là maintenant, les choses intelligentes, on les attend de votre part, musicalement parlant. Moi, j'aime le rire intelligent, c'est pour ça que je suis dans cette émission. Ben, c'est un sacré coup de poule, alors. Le mot du jour, c'est donc polémique, et oui, hein, car vous devez le savoir, Laurent. Certains héros survivent à leur créateur, et parfois, la succession ne se fait pas sans heurts. Tout commence donc par le piratage des studios Sony et la fuite d'un mail de la présidente du groupe citant le comédien anglais Idris Elba comme l'un des successeurs possibles de Carl Craig pour le rôle de James Bond. Un James Bond noir shocking. Anthony Horowitz, l'auteur du dernier livre consacré à James Bond, déclarait au Daily Mail « Pour moi, Idris Elba est un peu trop rude pour jouer le rôle. C'est pas un problème de couleur, non, je pense qu'il est un peu trop street pour Bond. Street, hein, ne nous le cachons pas, ça veut dire noir. » Roger Moore réagissait également en disant « Bond a été joué par un Écossais, un Gallois, un Irlandais. Moi, je pense qu'il doit être anglais. » Anglais. Il revient sur le sujet aujourd'hui en déclarant « J'ai entendu des gens parler d'une Lady Bond ou d'un James Bond gay. Il ne pourrait pas être Bond pour la simple raison que ce n'est pas ce que Ian Fleming a écrit. C'est pas une question d'homophobie ou de racisme. Il s'agit simplement d'être fidèle au personnage. » Cela dit, posons-nous la même question pour John Barry, compositeur du thème original de James Bond. On peut se demander comment on est passé des cuivres, de la basse et des cordes des premières BO à ça, la chanson du prochain James Bond, Le Spectre. I've been here. Eh oui, hein. Oui, on peut se poser la question. J'ai envie de rouler une pelle à Alex, ça vient. Donc ça, c'est pas bien. Ça, c'est le petit prodige de la soul anglaise, Sam Smith, le premier chanteur... C'est vous qui décidez, mais dites-moi ce que je dois dire en dîner, parce que moi, après, je ne sais pas. Le premier chanteur solo britannique a interprété la chanson-titre depuis Tom Jones en 1965. Smith, qui déclarait dans la presse « Barbara Broccoli et Sam Mendes m'ont contacté, m'ont donné le script du film et m'ont demandé de travailler sur une chanson. J'ai jamais écrit aussi vite, ça m'a pris 20 minutes et ils ont adoré. » Voilà, 20 minutes, vous avez pas de réponse. D'accord. Faut dire qu'avant lui, il y avait eu Adele pour Skyfall, numéro 1 des charts partout, récompensé d'un Brit Award, d'un Grammy Award, d'un Golden Globe, d'un Oscar de la meilleure chanson originale. Elle aurait dû d'ailleurs interpréter aussi celle-ci, sauf qu'elle a enregistré son nouvel album, 25, qui sort d'ici quelques jours. On était là aussi dans le registre mielleux, une inspiration peut-être, mais tout de même moins guimauve. Un petit peu plus Bond, un petit peu plus Barry quand même. Alors si on remonte le temps, on trouve toutes sortes de trahisons au thème original. Durand Durand en 1985, Dangereusement Vôtre, pourtant coécrite avec John Barry. Et le pire du pire, la version du groupe norvégien AA dans Tuer n'est pas joué, 2 ans plus tard. Là on est vraiment vraiment très très loin de Sean Connery. Ah Là, les terroristes, ils se marrent quand même. Tu n'es pas joué, c'était qui? C'était Timothy Dalton? Oui, c'était pas la meilleure période. Pour le coup, hein, c'était un blonde un petit peu blonde. Hein. James Bond ne peut donc pas être une femme, une personne en surpoids, un homo, ni même un noir. En revanche, côté musique, il peut passer du chef-d'œuvre absolu, Shirley Bassey ou The Wings, le sublime Live and Let Die hein, de McCartney, au grand n'importe quoi. Comme nous l'avons prouvé, reste quelques petites perles de 007, comme ici la version couple du thème avec Alicia Keys et Jack White, le chanteur des White Stripes, hein, je vous le dis pour vous Alex. Ouais, j'aime beaucoup. Pas très british, mais sacrément bon pour Quantum of Solace. Sera donc Bond à la place de Bond? Eh bien, je citerai Daniel Craig, hein, qui ne s'appelle pas Carl, et qui ne vaut pas la moitié d'un mollet de Sean Connery, excusez-moi Juliette. Tout le monde peut jouer James Bond. L'identité de mon remplacement, honnêtement, je m'en fous. tant qu'il nous reste John Barry, tout va bien. Et donc c'était Jack White et Alicia Keys, Jacques Blanc et Alicia Clé pour nos auditeurs francophones. Nous sommes avec Laurent, c'est important hein, parce que les gens sinon sont perdus. Nous sommes avec Laurent Vassilian, qui est là pour Is No Good, la deuxième partie des nouvelles aventures d'Is No Good, dessinée par Nicolas Tabary, de père en fils. Évidemment, il y a un petit hommage aussi du dessinateur, j'imagine, à son papa, c'est peut-être pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est même plus que ça, c'est que dans l'album, Is No Good remonte dans le temps pour essayer de retrouver son père au moment où il allait être calife. Et donc, Is No Good remonte dans le temps, dans une espèce de retour à le futur, va croiser le Is No Good vieux dessiné par Jean Tabary. Petit hommage. Et il va même remonter jusqu'à plus loin encore, parce que j'ai appris ça, c'est que la première fois qu'Is No Good apparaît, c'est dans un album de Sampé du petit Nicolas, où pour endormir le petit Nicolas, on raconte l'histoire d'un, vizir très méchant qui veut prendre la place du calife. Et dans la BD, il va remonter jusqu'au dessin de Sampé. Voilà, on a l'histoire d'un personnage que tout le monde connaît, qui a endormi de nombreuses générations. Et voilà celui qui réveille de nombreuses générations par ses reportages pointus. Vous aimez l'investigation, Laurent? J'aime le pointu, surtout. Et vous aimez le pointu. Mais ça, voilà, ce sera pour un autre débat. Mais Guillaume Meurice, c'est le moment Meurice. Sur quoi vous avez enquêté? Alors, c'est une chronique spéciale jeune aujourd'hui, Alex. Notre émission est énormément écoutée par les jeunes. Et on les remercie. Ils contribuent à baisser la moyenne d'âge des auditeurs de France Inter à 78 ans. Merci les jeunes. Et je vais m'adresser à chaque jeune qui nous écoute. Hey jeune, je te connais, je sais ce que tu veux. Tu veux de, l'adrénaline, pure. Eh oui, c'est pas facile à dire, le jeune. Tu veux des sensations fortes. T'auras tout ce qu'il te faut, le jeune. Des émotions langoureuses. Calme-toi un peu, le jeune. J'ai mieux que ça. J'ai contacté spécialement pour toi aujourd'hui un club hyper hype qui va te faire kiffer ton style. Ce club qui envoie trop du frais s'appelle Les Jeunes avec Alain Juppé. Oh yeah. Tu aimes porter ton pull noué autour des épaules parce que tu niques le système des gens qui portent leur cachemire comme des bolos. Rejoins les jeunes avec Alain Juppé, baby. Tu aimes les buzz tweet clash entre Alain Minc et François Langlais. Rejoins les jeunes avec Alain Juppé. Les jeunes avec Alain Juppé. Ça ressemble à un oxymore, mais en fait, pas du tout. J'ai contacté Mathieu Ellerbach, un des fondateurs de ce club. Alors écoute ça, c'est pour toi le jeune, bientôt avec Juppé. Ça peut paraître un peu paradoxal. Un peu, oui, il a 70 ans quand même. C'est simplement parce que je crois que c'est vraiment l'homme de la situation. Et c'est ce que les jeunes trouvent, c'est l'homme de la situation, d'une part. Et d'autre part, c'est un homme résolument moderne. Et ouais, résolument moderne, Alain. Supprimer les 35 heures pour te faire exploiter plus, ce sera possible grâce au modernisme d'Alain. Réduire les allocations chômage pour mieux vivre sa précarité, ce sera possible grâce au modernisme d'Alain. La retraite à 67 ans pour bien taffer jusqu'à ta mort, ce sera possible grâce au modernisme d'Alain. Bon, Alain, il se l'applique pas à lui, parce que ça, c'est la spécialité d'Alain. Il est encore plus moderne que ses idées. Bien joué qui? Bien joué Alain, évidemment. Et oui, on change le monde avec Alain, n'est-ce pas Mathieu? Pourquoi est-ce qu'on ne changeait pas le monde avec Alain Juppé? Mais il a déjà été au pouvoir, en fait, Alain Juppé. Oui, tout à fait. On était jeunes à l'époque. Et Ah, ça veut dire que vous êtes plus jeune maintenant? Non, on était tout petits. À l'époque. J'avais 4 ans. Et ouais, si toi aussi tu avais 4 ans en 1995 et que tu n'as pas pu profiter à fond des grandes grèves qui ont paralysé le pays, vote Alain. Tous les services publics fermés, les commerces rideaux baissés, les routes bloquées, c'est trop swag. Rejoins les jeunes avec Alain Juppé. Mais je sais ce que tu te dis, le jeune. Je connais tes angoisses de jeune. Tu te dis, bon, c'était il y a longtemps. Si ça se trouve, Alain, il a changé. Qu'en pense Mathieu? Il a beaucoup réfléchi, il a mûri également sur ses différentes positions. Mais alors pourquoi on n'attendrait pas encore 20 ans? Quand il aura 90 ans, il sera encore plus mûr. Mais parce que la France ne peut pas attendre. Ouais, mais il disait déjà ça il y a 20 ans. Bah, justement, les réformes qu'il a essayé de faire passer en 95, ce sont des réformes qu'on essaye encore de faire passer. Et voilà le jeune, tu es désormais rassuré. Ce qui n'avait pas marché en 95 est toujours complètement dans le programme d'Alain. On ne change pas une équipe qui lose, et ça, ça te plaît le jeune. Et ce n'est pas tout le jeune, tu aimes les bad boys. Ton film préféré, c'est Scarface. Alain est ton candidat. Condamné en 1997 pour abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt. Mathieu, tu t'en souviens? Je m'en souviens, mais je crois que c'était une autre époque. C'était un autre moment, d'une part. D'autre part, il a payé. Il est parti à l'étranger. Il est parti au Canada. Il a pris de la hauteur. Il a pris de la hauteur et pas mal de caillasse, Alain. Tony Montana à côté, c'est Mère Teresa. Mais où est le jeune? Vote Alain. En plus, non seulement c'est un bandit comme on les aime, mais c'est quoi d'autre? Ça, c'est quelqu'un d'assez intègre, enfin, c'est très intègre. Je connais des hommes intègres, ils n'ont jamais été condamnés pour abus de confiance. Ce qui n'empêche pas qu'on peut connaître des hommes intègres qui ont été condamnés. C'est peut-être plus difficile, mais c'est pas impossible. Attention, le jeune, tu t'enflammes, tu commences à dire n'importe quoi. Soyons sérieux, hein, tu le sais. La vieillesse est un naufrage, il faut te préparer, anticiper. Deviens vieux dès maintenant en adhérant au club Les Jeunes avec Alain Juppé. Tu verras, plus tu vieilliras, plus tu deviendras de droite. N'est-ce pas, Mathieu? Regardez François Mitterrand, il a commencé un peu plus à droite, il a fini par socialiste. Donc non, vraiment, c'est, je crois que il y a différents. Faut espérer que ça soit pas le cas parce qu'il y a quand même une forte proportion de jeunes maintenant de plus en plus qui sont au Front National. Ouais, il a pas tort Mathieu, c'est vrai que parfois la jeunesse aussi est un naufrage. Mathieu a 24 ans, Alain a 70 ans. Si ça se trouve, le poète avait raison, le temps ne fait rien à l'affaire. Merci Guillaume Meurice, vous êtes prêt pour les radios FM? Ouais. Il y a un ton, il y a un ton. Je trouve pas du boulot sur énergie avec ça. Est-ce que c'est un bon personnage si Alain Juppé est président? Ça vous arrange en tant qu'auteur de... Moi, en tant que jeune, je kiffe Balladur, donc ouais. compliqué. Ce côté fun, ce côté fun. Juppé plaisant. Était vieux à 12 ans, il avait déjà une calvitie à 12 ans, attention. Non, mais d'un point de vue rigolade, il a un potentiel sur une échelle de 1 à 10. Très. Alors pour le coup, Nicolas Canteloup le fait très bien. Et ça vous arrange. Et ça nous arrange. Il est dans les trois qu'on reconnaît. Ouais, mais c'est parfait. Arrêtez de me faire du mal de mon patron. Je suis salarié, j'ai des traites, j'ai des trucs. Des loyers. Écoutez, vous savez quoi, c'était vraiment une petite pause de fiel, mais on va retourner au changement de monde parce que c'est là qu'on a été resté. Un sujet qui concerne tout le monde puisque l'Organisation Mondiale de la Santé a tranché la charcuterie ou viande transformée et cancérigène ou cancérogène. Ah oui, on a appris qu'on pouvait dire cancérogène. Ouais. Elle est classée dans le groupe 1 avec l'alcool, le tabac, la pollution de l'air, l'arsénic et le plutonium. Ah donc oui. Arrêtez le sauciflard et le plutonium. Alors finalement, on te présente une côte de porc là, comme ça et toi, tu vois l'animal, toi. Mais Delphine, t'aimes bien le verre? La salade, par exemple, elle est vivante, mais après, elle se flétrit, donc elle est morte. Je vois pas, c'est pareil. Pour moi, la salade, c'est... C'est vachement loin, que c'est beaucoup plus loin de moi que la viande, qu'un animal. La salade, c'est plus c'est l'ami, c'est plus léger, c'est plus... Les légumes, c'est plus aérien, c'est... Je sais pas, ça... Ton corps, c'est tout ce que tu nourris, je veux dire. Bon, il y a l'air, il y a la nourriture. C'est reconnu? Non, c'est cinéphile aujourd'hui, c'est Le Rayon Vert de Romère, 1986, oui. Marie Rivière. Alors, bon, on va faire le bilan, parce que le Parisien le fait assez bien, le Parisien aujourd'hui en France. Donc groupe 1, je vous l'ai cité, arsenic, plutonium, tout ça, ce siffleur Justin Bridou est un assassin. Alors, il y a le groupe 2 qui est séparé en groupe 2A. Le produit est probablement cancérogène, qui n'est pas pareil que le groupe 2B. Le produit est peut-être cancérogène. Voilà, la viande rouge est dans le 2A. Dans le 2B, il y a le café. Et dans le groupe 3, là, c'est les produits dits inclassables quant à leur cancérogénéité, dans lequel on retrouve le thé, mais aussi le pétrole brut et l'encre d'imprimante. Donc, lancez-vous, goûtez un peu d'encre d'imprimante et puis appelez-nous, que ça nous donnera une idée. Est-ce que vous êtes très inquiet, Laurent Vassilien? Est-ce qu'on va avoir des paquets de rillettes neutres avec juste marqué manger-tu et des photos horribles, genre Gérard Larcher ou un truc crache. Vous testez vos vannes pour demain, là, je sais. elle est bonne. Tu mets du jambon, tu, hein, faut le rappeler. Mais non, mais donc quand vous avez entendu... Est-ce que le pâté de tête donne du cancer du cerveau? Ça, clairement. Ah, Chirac. Voilà. L'explication, on parle. Bah, voilà. Mais non, Guillaume Meurice, je vais vous laisser la parole parce que vous êtes le végétarien de la table. Enfin, je ne sais pas vous, Laurent Vassilien, quelles sont vos habitudes? Charcute. Bien manger, ouais. Voilà, très bien. Tout le reste de la table, charcute. Ça bouffe de la viande un peu là-bas ou pas? Non, voilà. ça essaie d'en manger le moins possible. Ça essaie d'en manger le moins possible. Alors ça, c'est pas très compliqué d'essayer d'en manger le moins possible. Il suffit quand il y a de la viande dans votre assiette de ne pas la manger, ou alors d'arriver et de ne pas en acheter et de ne pas en commander. Viande, ce que vous appelez animal mort entre nous. Ne faites pas votre aigle du caron. Ne soyez pas désagréable sous prétexte que vous avez des convictions. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à notre ami Laurent Vassilien pour qu'il ne prenne aucun risque, Guillaume Meurice? Non, mais après, alors là, c'est une enquête de l'OMS. Enfin, on savait déjà que c'était a priori un produit. Mais à ce point-là, avec l'alcool, avec... Oui, ça, on le savait. En fait, tout le monde le savait déjà. Ça veut pas dire... Enfin là, je vais pas prêcher pour ma paroisse du coup, mais ça veut pas dire qu'il faut pas en manger. Ça veut dire qu'il faut connaître les risques avant de manger ou d'ingérer tel ou tel produit. C'est vrai, quand on fume, on sait que voilà, la possibilité de cancer du poumon, bah, quand on mange de la viande, maintenant c'est officiel, on sait qu'il y a effectivement des risques de cancer colorectal. Alors, voilà. On dit que c'est comme le vin rouge, qu'il faut y aller avec parcimonie. Ah ouais. Je ne sais pas comment vous vous jetez sur l'andouillette ou pas. Non, mais régulièrement. On sent que vous êtes gêné. Je n'ai pas une grosse passion pour la charcuterie non plus. Mais quand vous avez entendu ça hier, est-ce que vous avez dit, alors là, c'est de nouveau, ça va être le bordel avec les lobbies, parce qu'effectivement. Je me suis dit, ça va être le bordel avec les djihadistes, parce que comme ils ne mangent pas de porc, ils vont vivre vieux. Et puis, ils vont dire qu'ils avaient raison sur ce coup-là. Et là, on est tous un peu coincés. Non, moi, je pense aux cochons. Le cochon vient de multiplier par 12 son espérance de vie, en fait. Mais oui. Mais est-ce que quand vous allez aller dans un rayon, dans un supermarché, j'allais dire une marque, mais non, dans un supermarché, est-ce que vous allez vous dire, ah, le Justin Bridou, là, ah, mais j'ai dit une marque quand même, le sauciflard, là, on va plutôt prendre autre chose. Non, voilà. Non, parce que c'est précisé à haute dose, c'est pour les. Non, après, oui, évidemment. Après, ce pourquoi il ne faut pas manger de la viande, c'est parce que c'est pas très bon pour l'environnement. Et ça, on le sait. Et ça fera l'objet d'un nouveau thème. Et bien évidemment, on allait changer le monde. Je vous arrête donc ici parce que je ne veux pas prendre de risques. disque. Je vais donner la parole à Juliette Arnaud, qui aujourd'hui est collaboratrice et chroniqueuse. Je m'adresse à la chroniqueuse. De quoi allez-vous nous parler, Juliette ? De Juliette Jim. Formidable. Roman de 1952, écrit par Henri-Pierre Rocher. Alors, c'est pas compliqué, mon cher Laurent. Oui. Juliette Jim, c'est la tarte tatin de la littérature française. Oui, j'ai un vrai talent pour les images gracieuses. Je m'explique. La tarte tatin, ce devait être au départ, vous le savez, une tarte aux pommes qu'une des sœurs tatin a foutue par terre, bougre de maladroite. Elle l'a ramassée, elle l'a servie telle que. Et pourtant, ça avait l'air d'être un ratage, et pourtant, on tenait là les prémices d'un dessert autrement plus fun et gourmand, la mythique tarte tatin. Donc, d'un ratage naissait une œuvre. Le rapport avec Juliette Jim, allez-vous me dire ? Mais oui. Alex, eh ben c'est pareil. Si Henri-Pierre Rocher appelle son roman Juliette Jim, c'est parce qu'il a en tête d'écrire une histoire d'amitié entre deux gars, Jules et Jim, une chose assez autobiographique, un Français, Jim, un Allemand, Jules, une amitié qui court sur plus de 20 ans, malgré la guerre de 14 au milieu, malgré un certain nombre de femmes qui se glissent entre eux, passant de l'un à l'autre, souvent de Jules à Jim d'ailleurs, sans ternir l'affection qu'ils se portent. Jusqu'à une femme plus importante que les autres, Kate, dont Jules dit à Jim quand il la lui présente, pas celle-là, Jim. Il l'épouse, il lui fait deux enfants, mais c'est quand même Jim qui va finir par la choper. Kate, d'ailleurs, qui n'arrive qu'à la page 81 du livre, c'est-à-dire vraiment à la fin du premier tiers, c'est-à-dire que normalement, c'est pas le personnage central. Donc, je me répète, Henri-Pierre Rocher veut écrire l'histoire de ces deux hommes, il l'intitule d'ailleurs Jules et Jim. Et pourtant, à la fin de la lecture, ce qu'on retient, c'est d'abord et avant tout le sublime portrait d'une femme, Kate, le portrait d'une femme 100% fatale. Qu'est-ce que c'est une femme fatale ? Elle est fatale parce qu'elle contient en elle l'idée du destin, hein, de ce qu'on ne peut éviter. Jules et Jim sont en Grèce, ils sont à la recherche d'une statue qui aurait un sourire archaïque. Ils la trouvent, cette statue, ils arrivent dans l'île, je cite, « Ils coururent à leur statue, passèrent une heure avec elle, elle dépassait encore leur espérance, ils tournèrent longuement autour d'elle, en silence, son sourire planait là, puissant, juvénile, assoiffé de baisers et de sang peut-être. Ils n'en reparlèrent que le lendemain. Avait-il jamais rencontré ce sourire ? Jamais. Que ferait-il s'il le rencontrait un jour ? Ils le suivraient. Ils vont rencontrer ce sourire autrement que dans une statue. Comme deux gars qui partent en Grèce. Ça partait sur un pitch. Et ça vous regarde. Kate, elle est fatale également parce qu'elle a un sens aigu de la liberté. Son credo à Kate dans le couple, c'est « Nous devons repartir de zéro et redécouvrir les règles en courant des risques et en payant comptant. » Kate, elle est fatale parce qu'elle est intransigeante. Jules dit à Kate « Écoute, c'est pas compliqué, ta maxime en amour, c'est que dans un couple, il faut que l'un des deux au moins soit fidèle, l'autre. » Fatale aussi parce que Kate, elle est violente, hein, et je l'ai dit, mais ben ça finit violemment. Oui, si quand même, hein, la mort, il y a pas plus fatale. Truffaut empire encore le malentendu avec son film 10 ans plus tard, qui pourtant s'intitule lui aussi Juliette Jim, mais objectivement, quand il fait le choix de Jeanne Moreau, il poursuit la ligne de Rocher et donc de la tarte tatin, parce qu'on se souviendra surtout du personnage de Kate, de Jeanne Moreau, dont la présence incandescente écrabouille littéralement celle de ses partenaires de jeu. Juliette Jim, c'est l'histoire d'une jeunesse écrite par un vieil homme de 74 ans, et pourtant c'est son premier roman. Et ça a vraiment la grâce d'un premier roman, sans doute parce que Henri-Pierre Rocher n'avait rien oublié de sa jeunesse, et particulièrement de cette histoire-là, unique, obsédante, dans une carrière de tombeur, de coureur, de donjon, sur lequel d'ailleurs il écrira par la suite. Cette carrière expliquant peut-être, sa carrière de tombeur, hein, expliquant peut-être le côté tardif de sa carrière de romancier. Bah oui, souvent les hommes, ils se mettent à écrire ou à faire des tubes pour plaire aux femmes. Et Henri-Pierre Rocher, il n'avait pas besoin de ça. Et Jim non plus. Voilà, Juliette Jim, c'est une leçon de style, de retenue et de crudité. C'est un grand moment de bonheur que la lecture de cette tarte tatin. Mais comme le dit Henri-Pierre Rocher, le bonheur se raconte mal. Il s'use aussi sans qu'on en perçoive l'usure. Je vais donc me taire et je vous laisse avec Juliette Jim en folio. Donc plutôt le livre que le film. Alors je vous en supplie. Eh bien... Un homme aurait été plus court, alors dit ça un plan à trois. C'est le pitch, hein, c'est le pitch et c'est le résumé. Non, ça ne se passe pas comme ça, je regrette, ça n'est pas une histoire de plan à trois. D'accord, eh bien, lisez le livre, vous en saurez plus. Nous passons au troisième sujet, Jean Roucas et le Front National. Il avait été emmené à l'université d'été du Front en 2013 par un grand amateur des humoristes et de leur travail, Gilbert Collard. Et deux ans plus tard, son soutien au parti lui a attiré pas mal d'ennuis. Oh, la surprise! Et donc aujourd'hui, il aimerait ne pas avoir dit ce qu'il a pensé. J'ai pas dit ça! Ouais. Non. J'ai pas dit ça, et puis c'est tout. Alors on rigole, après on dit que c'est moi qui l'a dit, et puis après c'est de ma faute. Vous en foutez, vous rigolez, vous en foutez, hein? C'était donc Coluche qui imitait Jean Roucas. C'est un document assez rare. Jean Roucas, alors avant de s'attaquer au problème d'implication politique, est-ce que le bébé de chaud, ça se passe dans votre panthéon ou est-ce que vous aviez juste envie de mettre un grand coup de pied là-dedans? Je pensais à un maître Collarou. Oui. Le bébé de chaud, j'étais trop petit. Non, ça, quand vous avez, non, ça c'est pour botter en touche, Laurent Vassilian. Alors, le grand avantage du bébé de chaud, c'est que des gars se sont dit, il faut qu'on fasse l'anti-bébé de chaud, et ils ont créé les guignols de l'info, en fait. Ça, c'était... Et c'était pas, c'était pas le bébé de chaud qui a permis aussi aux guignols d'exister, mais plutôt les guignols qui se sont dit, oh, bon là, non, ils s'y racontent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Honnêtement, je sais pas, je pense que l'âge d'or du bébé de chaud, ça doit être 84 ou un truc comme ça. J'ai 10 ans, je suis sincèrement trop petit pour avoir un souvenir précis. Mais j'ai pas de mauvais souvenirs non plus, quoi, je crois. Quant à l'implication même est-ce qu'un humoriste doit, à partir du moment où il imite différentes personnalités, est-ce que c'est une bonne idée de dire ce qu'il pense? Parce que Roucas, il dit pas vraiment j'ai changé d'avis, il dit j'aurais pas dû dire ce que je pensais. Bon, sur le principe, moi, j'ai rien contre qu'un humoriste se positionne. Il y en a plein d'humoristes de gauche. Quand le Front National, bien évidemment. Bah, déjà. Ouais. Voilà. Crâne rasé, hein. Ouais, voilà. C'est important de le dire. Mais est-ce que vous, ça changerait la façon d'écrire pour Nicolas Canclos? Si on se positionnait, oui, bah, ça changerait. Si je suis pas d'accord avec lui, je partirais, en fait, surtout. Mais là, bien, ouais, quand même, je pense. Vous pourriez pas mettre dans sa bouche un petit peu l'anti-discours de ce qu'il défendrait en allant se promener avec l'un parti ou un autre? Bah, je suis pas sûr que, si vraiment il avait une opinion tranchée, je suis pas sûr qu'il nous suivrait sur l'inverse de son opinion, surtout, non? Et la vôtre, la vôtre vous-même et celle de Philippe Cavrivière, est-ce que... Philippe Cavrivière a un désir pour Marion Maréchal Le Pen. Alors ça, on a un gros problème avec Guillaume, c'est qu'on n'arrive pas à trancher. Est-ce qu'on irait ou est-ce qu'on irait pas? Excusez-nous. Des considérations n'hésitez pas à grotesques. Mais voilà. C'est une Jules question. Et Jim et Marion. Bon, ben on ne le saura pas. Mais par contre, on a une intervention, Juliette Arnaud. C'est bien, ça ne sert à rien de faire à scandaliser. C'est une misogynie. Voilà, vous l'avez dit. Et c'est bon. Voilà, Charlie n'est pas là. Après la Grèce, c'est un petit peu... On lui dira. Oui, mais misogynie, homophobie, racisme, ça c'est drôle. Si on en donne à tout le monde, c'est drôle. On est d'accord? Bien sûr, je voudrais juste dire. Alors, Laurent Vassilian, en fin d'émission, il y a toujours le sketch. Je ne sais pas si vous savez, c'est-à-dire qu'on donne un rôle à l'invité, il ne sait pas, il est surpris. Et je vous donne le rôle de Nicolas Canclos. Et attention, parce qu'il y a du job aujourd'hui, puisque on part du principe qu'au Guatemala, il y a deux jours, il y a eu un président élu qui était un humoriste. Je ne sais pas si vous avez lu cette information. Ouais, 70% il a été élu. On se dit, et si, en France, c'était Canclos? Et qu'est-ce qui se passerait? Il arrive à l'Élysée, il a deux conseillers. Vous êtes en jaune. Et notre ami Guillaume et notre ami Juliette sont les conseillers. Ils vous accueillent à l'Élysée. Monsieur le Président, veuillez nous suivre. Appelez-moi Nicolas. On va vous appeler Monsieur Canclos. Nicolas, ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Alors, on a quelques idées pour la composition de votre gouvernement. Vous savez quoi? Il faut économiser de l'argent. Je n'ai pas besoin de ministre. Attendez, comment ça? Mais je vais le faire moi-même. Par exemple, l'économie, c'est mieux d'avoir les discours de droite. Hop, je fais Sarkozy. Vous faites Sarkozy? Et ouais. C'est nul ce que vous faites. C'est le moment de prendre sa place. Il faut travailler plus pour gagner plus. Ok, vous êtes sûr que ça va marcher, hein? Mais bien sûr, ministre de la Justice. Oh, pardon. C'était ma ligne. Bien sûr, ministre de la Justice, DSK. Il connaît bien la justice, DSK. Et donc, quand vous devrez annoncer une loi? Peuple français. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. En vain de mon avocat. En fait, ça peut marcher, hein. Et la culture? Nikos Aliagas, peut-être? J'ai perdu ma ligne. Là. Ouais. C'est sûr qu'un grec vaut mieux pour le mettre aux finances. Ouais. Et pourquoi pas Taubira, ministre de la culture? Ah non, me faites pas faire Taubira. Je n'ai pas de qualification pour ce poste. J'ai lu des livres, moi. On garde Royal à l'écologie? Oui. Parce que le recyclage, c'est important pour l'écologie. C'est bluffant. Je suis sûre que si Valls avait été capable d'imiter, il n'aurait pas pris un seul ministre dans son gouvernement. Ah, allô? Oui, je vous le passe. Monsieur le Président, le Président chinois voudrait parler au ministre des Affaires étrangères. Mais on n'en a pas. Trouvons-en un, vite. Mais je sais pas, moi. Mais qu'importe, dites le premier tocard qui vous passe par la tête, on y va. Je vais m'en placer. Ok, parfait. Prenez, monsieur le Président, c'est au sujet de l'arme atomique. Alors, salut copain. C'est quand que tu viens à Paris, hein, on mange des nems et on va faire un kung-fu. Hein. Allô? Monsieur le Président? Ah, non, bah, peut-être qu'il a pas aimé mon accent chinois, en fait. Là, on a 10 minutes pour aller dans le bunker. Merci Laurent Vassilian. Ben Nicolas Canteloup ne sert à rien, on vient de le découvrir. Vous êtes surtout là pour Is No Good, les nouvelles aventures du calife à la place du calife. Deux pères en fils. Hein, bah, allez-y maintenant, parce qu'il n'y a pas d'imitation dedans. Et c'est ça qui est bien. Texte de Laurent Vassilian, dessin de Tabari. Merci et à demain.